Page 14. Le vocabulaire. Numéro 1. La forme nominale du verbe. Numéro 2. Le sixième jour de la semaine. Numéro 3. Un bassin pour la natation. Numéro 4. La sœur de ton père ou de ta mère. Numéro 5. La femelle du coq. Numéro 6. Combien de mois y a-t-il dans une année? Numéro 7. Quelle lettre n'est pas symétrique? A, H, I, M, N, O, T, V, W ou X. Numéro 8. Un grand chien sauvage qui habite dans les forêts du Nord. Numéro 9. Le contraire de l'adjectif grand. Numéro 10. Les lettres PL identifient quel pays? Numéro 11. Une sirène n'a pas de jambes. Elle a une. Numéro 12. Le nom de la monnaie unique européenne. Numéro 13. Le prénom de la fontaine. Numéro 14. Un mammifère carnivore qui est rusé. Numéro 15. La bouche d'un oiseau. Numéro 16. Quel temps fait-il quand l'eau tombe sous la forme de flocons blancs? Numéro 17. Une étoile qui produit la lumière du jour sur la Terre. Numéro 18. Le plus gros doigt de la main. Numéro 19. De quelle couleur est le corbeau? Numéro 20. Où est le bois de Boulogne?